L'autre musique même j'en ai tout pays, inspiration seulement différent. Pas de raison pour faire polémique, polémique pas fait n'avancer. N'a pas de recolle, fait ça qui vit bon. Égoïste pas fait n'a de l'aïe. Marche, marche, marche, marche. Fais compas, marche. Pour tout ça qu'a danser, pour ça qu'a danser. Tout ça qui n'a la peine, qu'a yo pas content. Fais compas, marche. Pour ça qu'a pe bloqué, pour ça qu'a pe bloqué, pour ça qu'a dansé, fais compas, marche. Pour ça qu'a maté, pour ça qu'a pe brassé. On allait, elle va mal. Marche, marche, marche, marche, marche, marche, marche, marche, marche, marche, marche, marche, ouais. Allô, Julien. Si Pierre Chapelle tombe en bas, n'a mourir qu'un bédon, moi, mes sangs. Qu'un bédon, mes sangs. Ouah, qu'un mais c'est moi Kembe, Kembe, fanatique Kembe, Kembe. Si Pierre Chapelle, Chapelle, Chapelle, tombe en bas, ma pourri Kembe, tombe en mes Kembe, tombe en mes moi Kembe, Kembe, fanatique Kembe, Kembe. Mais c'est pour ça moi Kembe, Kembe, ce genre moi Kembe, Kembe. Mais tu mixes Kembe, Kembe, ce bel moi Kembe, c'est Kembe, Annick moi Kembe. Betty mix Kembe, Maka Wal Kembe, Mzou Kembe, Betty El Popol Wa Kembe. Et puis pour ça, Napsi, je compare ma chaîne là. Napsi, tout le monde, let's get it up, let's get it up. Let's get it up, yes. Let's get it up, it's time. Let's get it up, it's time. Let's get it up, make bomba. Yes, I, yes, I. Elle va pas louer tout neuf.